ensoleillé, tu t'es décidé à sortir de ton grenier. Tu te retrouves en terrasse avec une bière à la main. La soirée s'annonce très très bien. Les gens arrivent au fur et à mesure, et à chaque fois c'est une nouvelle tournée. Après tous ces godets, tu commences à plus savoir compter. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. Au fil des verres, ta lucidité commence à t'échapper. En scannant les alentours, tu remarques une fille de l'autre côté du troquet. Tu fais que de la mater, et au bout d'un moment, vos regards se sont croisés. Entre deux gorgées d'alcool frelaté, tu te décides à l'aborder. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. Ta démarche hésitante réussit l'exploit de t'amener à ses côtés. Tu te lances, mais ton odeur de clope ne la fait pas trop rêver. Tu te dis que tu vas pouvoir te rattraper par ton humour assuré. Ta confiance affichée ne fait que se manifester par une prose mélangée. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. Rigoler, mais c'est que tu viens tomber ton tabouret. Tu viens de t'afficher et tu te décides à accepter de t'être fait lourder. Tu t'assois avec tes potes qui saluent ton audace, mais ne font que se marrer. C'est pas grave, c'est pas ta soirée. Tu vas te plonger dans le whisky JP. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'arrives à convaincre un de tes potes que c'est en boîte que la soirée bat son plein. Après avoir bachiché le leader, vous avez par miracle réussi à rentrer. Tu trébuches sur un truc mal embouché et tu te prends indirect dans le nez. Ce coup-ci, c'est la fin de la soirée. Tu rentres chez toi avec le nez pété. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré. T'es beurré, t'arrives plus à marcher, t'es beurré. T'en prends bien petit dernier, t'es beurré. Difficile de rentrer, t'es beurré.